Chapitre 33e. Le jour tirait à sa fin lorsque Rose, revêtue de ses habits de jeune garçon, arriva au village de Dauphrigny. Triste jour sans soleil, qui n'avait eu ni clarté ni chaleur. La voiture s'arrêta devant la porte de la principale auberge, maisonnette fraîche et avenante, avec des volets peints en verre. Point de curieux, pas de voyageurs. Deux ou trois chiens paisibles regardaient autour d'eux d'un air indifférent. Rose entra dans l'auberge et demanda à M. André. « Il n'est pas encore entré, » lui dit l'aubergiste en la considérant de la tête aux pieds, d'un air peu encourageant. « Il a envoyé ses papiers et toutes ses affaires par un garçonnet, il y a une heure. Il va probablement revenir bientôt. » Rose hésita. Attendre dans cette salle d'auberge, avec les sentiments confus qui se heurtaient dans son cœur, lui paraissait un véritable supplice. « Où est-il » demanda-t-elle. « Sur le plateau, là-bas, au bord de la rivière. » la bonne femme en étendant le bras. « Il n'y a pas de danger qu'on s'y trompe. Après le coin de la maison, c'est toujours tout droit. »« J'y vais, » dit Rose en prenant son parti. « C'est donc pressé ce que vous avez à lui dire ?» demanda l'aubergiste avec curiosité. « C'est qu'il a bientôt fini ses affaires, savez-vous. Le monsieur voulait partir demain. »« Demain ?» Rose frissonna. Avec un peu moins de hâte, elle se serait exposée à le voir revenir à Chartres. Et alors, comment réaliser ses projets de départ ?« C'est pressé, » dit-elle. « Alors faut-il vous préparer un souper et un lit sans vous commander ?»« Je ne sais pas, » répondit-elle, « peut-être. Y a-t-il loin d'ici un autre village ?»« Dame, il y a Rosette, à une petite lieue d'ici en descendant la rivière. Il y a Véram, en remontant. Mais nulle part vous ne serez mieux qu'ici, bien sûr, et le pays n'est pas si beau. » Rose fit un signe d'indifférence. Que lui importait le pays ?« Tenez, » fit la bonne femme en indiquant le plateau, « voilà par où le monsieur revient tous les soirs. » « J'y vais, » fit soudainement Rose. Elle venait de penser que le plein air et la solitude des champs valaient mieux pour ce qu'elle et André avaient à se dire que les étroites parois d'une chambre d'auberge. Elle sortit rapidement, suivie par le regard inquisiteur de l'aubergiste. « Il ne me plaît pas, ce petit Français, » pensa celle-ci. « Il a l'air de quelqu'un qui va faire un mauvais coup. » Rose marchait vivement à la rencontre de son mari qui revenait au village d'un pas lent et fatigué. Il ne ménageait depuis quelques semaines ni son corps ni son intelligence, et les derniers jours surtout, pressé par le désir de terminer son travail pour revenir en France, il s'était un peu surmené. En voyant la forme jeune et souple de Rose venir à lui sur la lande déserte, il crut un messager et pressa le pas. En se trouvant tout près d'elle, il s'arrêta, interdit. Le jour tombant donnait encore assez de clarté pour qu'il pût distinguer nettement les traits de la jeune femme. « C'est moi, juste. » dit-elle d'une voix qui tremblait. « Vous, sous ce déguisement, quelle fantaisie absurde !» Il allait cependant lui ouvrir ses bras et l'arrêta du geste. « Je suis venu vous rejoindre parce que j'avais à vous parler. Je porte ce déguisement parce qu'il m'est plus commode pour voyager seul. J'ai bien des choses à vous dire, et je vous prie de m'entendre, car nous sommes à une heure grave dans notre vie à tous les deux. » André restait immobile. Sans doute, depuis Villers, il avait prévu bien des orages dans sa vie domestique. Mais ceci dépassait ses prévisions. « Soit, » dit-il lentement, « je vous entendrai. Rentrons. Non, » dit-elle, « c'est ici que je veux vous parler, loin de toute oreille indiscrète. » Elle chercha des yeux une pierre pour s'asseoir. À l'extrémité du plateau, quelques rochers sortaient de terre. Elle prit les devants et se dirigea de ce côté. Il la suivit sans mot dire. C'était un endroit sauvage et mélancolique que cette pointe de terre entourée par un coude de la Meuse. À 30 pieds au-dessous, les eaux jaunâtres de la puissante rivière roulaient avec un bruit majestueux et bouillonnaient contre les tournants rapides. En face, la plaine, plate et grise, avec quelques villages qui lançaient vers le ciel triste de minces colonnettes de fumée. Rose s'avança jusqu'à l'extrême bord pour regarder le paysage et s'imprégner, pour ainsi dire, de tout ce qu'il contenait de douloureux. « N'allez pas si loin, vous pourriez glisser, » lui dit André de cette voix grave qui avait le don d'exaspérer sa femme. Ce rocher surplombe la rivière, et depuis longtemps il est miné en dessous par les eaux. Rose indiqua du geste que cela lui était parfaitement égal, mais elle revint pourtant et s'assit sur une pierre en face de lui. « Monsieur, lui dit-elle, nous sommes malheureux l'un par l'autre. Je crois qu'il vaut mieux en arriver à une solution définitive que de nous faire souffrir réciproquement jusqu'à la fin de notre vie. « Je vous fais souffrir, » dit André avec une douloureuse ironie. « Oui. » Vous n'en êtes pas responsable, je le sais. mais votre idéal dans l'existence est si différent du mien, qu'à tout moment vous heurtez mes idées, mes goûts. En un mot, vous voulez faire de moi une esclave, et j'ai un impérieux besoin de liberté. » André garda le silence. « J'ai eu tort de vous épouser, je le reconnais, » continua-t-elle. « Reconnaissez de votre côté que c'est vous qui m'en avez prié, et que j'ai commencé par refuser. » « Je le reconnais, » dit gravement le jeune homme. « Je n'étais pas faite pour la vie conjugale, j'étais déjà trop âgée, et ma manière de vivre totalement indépendante ne m'avait pas préparée à l'existence que vous m'avez imposée. Nous avons fait une épreuve qui ne nous a pas réussie. Rendez-moi ma liberté, je vous rendrai la vôtre. » « Et mon nom, me le rendrez-vous ? » dit André en se levant. « Ah, certes, » soupira Rose avec amertume. « Et ferez-vous aussi que vous l'ayez jamais porté ? » La publicité donnée à ce mariage et que je n'avais pas cherché, vous le savez, car vous n'avez pas oublié ma colère quand j'en eus connaissance. Le bruit et les réflexions que vos amis ont fait autour de nous, empêcherez-vous cela d'avoir existé ? Dans les faces quelconques d'une existence que je n'aurais plus le droit de surveiller, pouvez-vous m'affirmer que mon nom ne sera jamais prononcé avec une épithète ridicule ou déshonorante ? Non, vous ne le pouvez pas. Vous mèneriez une vie à l'abri de tout reproche, que le seul fait d'avoir quitté votre mari pour remonter sur la scène, car c'est là ce que vous voulez, n'est-ce pas ? Ce seul fait nous exposerait, vous et moi, aux soupçons les plus injurieux, aux calomnies les plus avilissantes. Rose baissa la tête. Toute aveuglée qu'elle fût par sa passion de liberté, elle sentait qu'il disait vrai. « Ce que vous proposez, » reprit André, s'échauffant malgré son désir de rester calme, « c'est une séparation à l'amiable. J'y consentirai, oui, j'y consentirai, malgré l'amour que j'ai eu pour vous, malgré ces liens qui me tiennent encore si fort au cœur que je souffre en vous parlant, comme si je m'arrachais un morceau de moi-même. J'y consentirai. Si j'étais certain que vous resteriez dans une sage obscurité, que le monde n'entendrait jamais parler de vous, et que je pourrais continuer de vous estimer. Mais ce n'est pas cela que vous voulez. Ce qu'il vous faut, c'est le bruit, c'est la gloire menteuse. Il faut que le nom de Rose Rosier soit proclamé dans les journaux, affiché sur les murailles. Vous avez oublié que ce nom ne vous appartient plus, depuis que vous êtes devenue Madame Juste André. » Rose resta silencieuse un moment. Il se calma et reprit sa place en face d'elle. « Je ne sais pas, » dit-elle, « jusqu'à quel point « ce que vous dites est raisonnable ou non. Je ne sais qu'une chose. Je vous rends votre liberté, rendez-moi la mienne. » Il la regarda bien en face et lui répondit lentement, « Jamais. »« Il le faut pourtant, » s'écria Rose, s'animant à son tour. « Je vous jure que je ne resterai pas votre esclave un jour de plus. » »« Je ne vous ai pas imposé d'autre loi que celle auxquelles les honnêtes femmes se soumettent sans résistance, » fit André d'un ton sévère. « Vraiment ?» dit Rose, perdant toute mesure. « Mais par malheur, je ne suis pas une honnête femme, moi. Et c'est ce qui fait que je refuse de me soumettre. Non, André, je ne suis pas une honnête femme, » répéta-t-elle en voyant la stupeur de son mari. « Je vous ai trompé. »« Quand ? » s'écria-t-il en fureur en se dressant devant elle. « Avant notre mariage. J'avais aimé Simone, dit. Vous vous en doutez, n'est-ce pas ? Je l'avais aimé, comme on n'aime pas deux fois dans sa vie. Eh bien, tu es moi maintenant, j'aime mieux cela. » La colère d'André se calma. Non, il ne se déshonorerait pas par un acte de violence. Cela ne vous irrite pas ? Vous me pardonnez cela avec votre grandeur d'âme habituelle ? Il n'y aura donc pas moyen de vous faire dire que vous me chassez ? Alors je vous en apprendrai plus. Chez moi, à Chartres, j'ai reçu la visite d'un homme. Un amant ? Non. Vous pouvez me croire, car si c'était vrai, je m'empresserais de vous le dire. Votre ami Langlois m'a menacé de votre colère. Il vous connaît, celui-là. Je suis venu vous trouver. C'est plus digne, n'est-ce pas ? Et hier soir, m'ennuyant seul, j'ai dîné chez le doyen, avec un joli fragment de la haute gomme. « Misérable ! » cria André en levant les deux bras. « Frappez-moi, si vous voulez, je n'ai pas peur, » dit-elle en le regardant en face. Il se détourna violemment et fit quelques pas, puis revint à elle. « Je vous ferai enfermer, » dit-il les dents serrées. « Cela ferait beaucoup d'honneur à votre nom, » répondit-elle. Au moins je n'aurais pas été complice de mon déshonneur, s'écria-t-il en tendant les bras vers le ciel bas et lourd qui jetait sur eux une clarté singulièrement blafarde. Qu'ai-je fait, mon Dieu ? Quel crime ai-je commis pour être ainsi martyrisé ? Rendez-moi la liberté, dit Rose, vous cesserez de souffrir. Eh, fit-il découragé, Ne saurais-je pas chaque jour ce que vous faites? Le bruit que vous cherchez n'est-il pas l'ennemi de mon repos? Vous changeriez de nom, vous changeriez de visage, qu'il se trouverait encore quelqu'un pour vous reconnaître. Il y a quelques jours, me jetez votre nom et votre histoire à la face. C'est bien, répondit Rose. Je sais ce qu'il me reste à faire. Vous enfuir? Oh non, pas, j'y mettrai bon ordre. Je déjouerai votre surveillance. Je vous ferai chercher, trouver et ramener. Jamais, entendez-vous, jamais, je ne consentirai à vous laisser la liberté de vos actions. Vous en avez fait jusqu'ici trop mauvais usage. Ils étaient seuls au milieu de la plaine déserte. De larges gouttes de pluie commençaient à tomber. C'est la guerre alors, dit Rose, dont la fureur croissante obscurcissait les yeux. La guerre, soit, c'est vous qui l'avez déclaré. Il pleut, rentrons. Elle voulut s'enfuir et se dirigea en courant vers le village, mais il l'eut bientôt rattrapée et il passa de force le bras de la jeune femme sous le sien. « Vous ne me quitterez plus, » dit-il exaspéré. « S'il le faut, je réclamerai main forte. Ne luttez pas, vous perdez votre peine. » De la main qu'elle avait libre, Rose tira de son sein un stylet affilé et l'emporta un coup dans la poitrine de son mari qui resta debout, quoique légèrement blessé. « Rose, » dit-il atterré, « vous voulez me tuer ?» Profitant de sa stupeur, elle arracha son bras de dessous le sien et se mit à courir vers le bord du plateau. « Rose » cria-t-il en se précipitant à sa poursuite. « Rose !» Elle était arrivée à l'extrême bord. Il la vit se retourner et courut plus fort. Mais elle avait une énergie surhumaine. Au moment où il étendait la main pour la saisir, « J'aime mieux mourir !» cria-t-elle, et elle s'élança dans le vide. Éperdu, affolé, André recula d'un pas. Il se jeta sur le gazon glissant, s'accrocha les mains dans la terre humide et regarda au-dessous de lui. Les cailloux et les graviers entraînés par la chute continuaient à tomber par intervalles dans le fleuve bouillonnant, mais rien de Rose ne se montrait à la surface. Il l'appela 100 fois. Il courut çà et là d'un bord à l'autre du plateau. Nul moyen de descendre. Il se dirigea alors vers le village pour chercher du secours. Puis il pensa que ce serait encore du temps perdu. Et trouvant une coupée dans le plateau, il descendit en courant jusqu'à la Meuse. Il explora, les pieds dans l'eau, le rivage presque à pic. Il arriva jusque sous la falaise, à l'endroit même où elle était tombée. Il ne trouva rien. La Meuse roulait déjà sans doute le corps de Rose vers la mer du Nord. Effaré, poursuivi par la vision de ce corps lancé dans l'espace, les oreilles pleines du dernier cri de sa femme, sentant à peine son sang qui coulait sur sa poitrine, il remonta lentement le sentier sous la pluie qui commençait à tomber fort. Perdu dans ses pensées, il se trompa de chemin et continua tout droit, au lieu de tourner comme il l'aurait dû. Quand il s'en aperçut, la nuit était tout à fait tombée. Il marcha longtemps, sans se soucier de la pluie ou de la nuit, sans sentir sa blessure qui le brûlait et dont le sang avait cessé de couler. Quand il fut là, et que ses pieds refusèrent de le porter, il se trouvait près d'un gros bourg. Il entra dans une auberge et se laissa donner à souper. On lui mit un flambeau dans la main. On le conduisit à une chambre. Il se laissa faire machinalement. Quand il fut seul, il revint à lui. Elle était morte, cette Rose étrange. Elle avait fait dans son existence cette apparition bizarre et tourmentée, puis elle avait disparu sans laisser de traces. Était-ce un rêve? Quel horrible rêve! Il regarda la plaie qu'avait faite le stylet. C'était une simple écorchure. L'arme avait glissé, frôlant la chair. Malade, épuisé, presque fou, il se laissa tomber sur le lit, espérant que le sommeil apaiserait ses pensées, espérant presque aussi que c'était en effet un rêve, une hallucination que chasserait la lueur du jour. Le jour l'éveilla, mais sans lui rendre la paix. La vue de cette chambre inconnue lui rappela sur le champ la réalité qu'un sommeil fiévreux ne lui avait fait oublier qu'à demi. Il se hâta de sortir et reprit péniblement le chemin qu'il avait parcouru la veille. Il descendit au bord de la rivière et explora encore les rives sablonneuses, dépouillées de verdure. Tout le jour il marcha, revenant sans cesse sur ses pas, ne laissant pas un brin d'herbe sans y chercher une trace. Il redescendit le courant pendant plusieurs kilomètres. Rien ne restait du drame de la veille. Rien ne voulait lui donner la preuve qu'il ne fût pas devenu fou pendant quelques heures. Hâve, fiévreux, épuisé, il regagna enfin l'auberge de Daufrigny. L'hôtesse, en le voyant entrer, poussa un cri de surprise. « Ah, monsieur, nous pensions que vous aviez été assassiné. » André pâlit. Assassiné, pourquoi ? Parce qu'il est venu hier soir un petit jeune homme de mauvaise mine. Vous demandez ici. Il n'a pas voulu vous attendre et s'en est allé à votre rencontre. Vous ne l'avez pas vu ? Non, balbutia André, incapable de démêler le trouble de ses pensées. La seconde d'après, il voulut dire oui, mais la bavarde aubergiste continuait déjà son discours. On vous a attendu toute la nuit, et il a plu. Il est tombé plus d'eau en une heure que nous n'en avions vu depuis 6 mois. Ce matin, on vous a cherché sur le plateau, et l'on a trouvé ça. Elle indiquait le stylet à manche d'ivoire posé sur le buffet, bien en évidence. Et l'on a pensé que le petit jeune homme s'en était servi pour vous assassiner, car il n'a pas reparu non plus. Vous voyez que je suis bien vivant, dit André avec un sourire forcé. Ça se voit du reste. Mais vous savez, on se fait des idées. Alors c'est à vous, ce machin-là ? Oui, dit machinalement l'ingénieur. Eh bien, reprenez-le. Et le petit jeune homme, sans vous commander, vous ne savez pas ce qu'il est devenu ? Il se sera trompé de chemin. Ou bien c'est vous qui aurez tourné par ailleurs. Où avez-vous donc passé la nuit ? Je suis allé jusqu'à Rosette, dit André, qui souffrait horriblement pendant cette espèce d'interrogatoire. Et comme il était tard et qu'il pleuvait, j'y ai couché. Vous avez bien fait, car vous avez encore l'air tout malade, mais c'est égal. Vous pouvez vous vanter de nous avoir donné de l'inquiétude. Allons, montez, monsieur. On va faire du feu pour sécher vos habits. Ça ne fait rien. Je voudrais bien savoir ce qu'il est devenu, le petit jeune homme. Sa figure ne me revenait pas. Je m'imagine qu'il aurait été faire quelque mauvais coup ailleurs. On ne m'ôtera pas de l'idée que vous l'avez échappé de près. On n'a rien trouvé dans les environs ? Demanda André. Trouvez quoi ? Vous parliez d'un mauvais coup. C'était une supposition, puisqu'on n'a rien trouvé, que ce petit instrument-là. Et vous dites qu'il est à vous. Eh, monsieur, emportez-le donc. On n'aime pas voir traîner des joujoux comme ça dans une maison où il y a des enfants. Elle le rejoignit comme il montait l'escalier et lui mit le stylet dans la main. Il fut obligé de le prendre et aussitôt entré, il le posa sur la table et le regarda avec horreur. C'est vrai, elle avait voulu le tuer. La déchirure du fer avait traversé sa peau. Il frissonna de fièvre et d'horreur tout à la fois. Le stylet appartenait à Rose, qui s'en servait pour couper les feuilles de ses livres. Il l'avait vu souvent sur la table devant elle. Et maintenant, qu'était-elle devenue ? Son joli corps souple, roulé par les vagues grisâtres du fleuve, s'en allait heurté à tous les rochers du fond. C'était trop horrible. Il ferma les yeux. Il la revit alors, telle que la veille au soir, menaçante, pleine d'orgueil et de défis, lui jetant au visage des aveux qui empoisonnaient en même temps le passé et l'avenir de l'époux, des aveux après lesquels il ne pouvait plus se revoir. Puis la lutte, puis ce cri « J'aime mieux mourir !» Encore un défi, mais celui-là s'était justifié par la mort. Elle était morte, oh, bien morte, et lui, désormais veuf, il restait libre et vivant. Un instant, il se demanda s'il ne ferait pas mieux de disparaître comme elle, pour en finir avec une existence qui ne lui avait guère donné qu'inquiétude et tourment. Le soleil du soir sortit lentement des brumes qui l'enveloppaient. Il brillait un moment sur le paysage, jusque-là grave et triste, lui donnant une apparence de sérénité grandiose. Ce rayon pénétra jusqu'au fond de l'âme de Juste André. Mourir ? Pourquoi ? La vie s'étendait devant lui, pleine de travaux consolateurs, de gloire méritée. Tout ce qu'il avait la veille, il l'avait encore. Seul le génie malfaisant de son existence avait disparu. Il l'avait aimée, pourtant, pauvre Rose, si séduisante, si bien faite pour charmer. Dans son grand désir d'être honnête et loyal jusqu'au scrupule, il s'était cruellement trompé. Rose n'était pas faite pour être son épouse. Sa maîtresse, elle lui était adorable. Et les défauts qu'il avait aigris dans le mariage, il les eût excusés en souriant dans un lien moins durable. Morte, il lui pardonnait. Le cœur plein de regrets, non de remords, il pleura cette mort horrible et lui envoya au-delà de ce monde une bénédiction tendre, un adieu plein de douce compassion. Mais ce lieu lui devenait odieux. Il résolut de partir le soir même. Il pouvait d'ailleurs terminer chez lui les travaux qui avaient nécessité son voyage. Quelques jours à Bruxelles, pour consulter une bibliothèque spéciale, remplacerait facilement ce qu'il aurait pu encore rechercher lui-même. Il demanda son compte, fit atteler une voiture et partit. Lorsqu'il eut disparu, l'aubergiste entra en murmurant. « C'est égal. Je voudrais bien savoir ce qu'est devenu le petit jeune homme qui avait si mauvaise mine. » Ainsi s'achève le tome premier de Rose Rosier par Henri Gréville.